Comment fait-il pour dormir à deux pas de la freeway? A-t-il déjà connu le pire pour rester allongé, les yeux cachés? De ma fenêtre, je ne peux qu'imaginer ce qui a dû lui arriver. Car je ne pourrai jamais traverser. Ici le trafic ne s'arrête jamais. Enjoy your drive in LA. Don't walk in LA. Il a appris à survivre avec quelques dollars pour la journée. Il vend des boîtes de coke qu'il a sculptées sur le sable de Venise nettoyé. Enjoy your dream in LA. You can't always win in LA. Enjoy your dream in LA. You can't always win in LA. Minority.